Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Hier, j'ai sauté des questions. En réalité, le ders il commençait à partir de la 121e question et malheureusement, j'ai oublié. Donc on va les prendre aujourd'hui pour ensuite directement passer au questions du cours d'aujourd'hui. D'accord ? Les questions d'hier manquantes, on va les prendre aujourd'hui, biznillah ta'ala. Et ensuite, on passera directement le passage d'hier qu'on a pris pour en arriver à celui d'aujourd'hui, qui est prévu. Biznillah ta'ala. Faqala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala fi sual al-21 ba'd al-100. 121e question. Ma dalil al-mizan min al-kitab wa kayf sifat al-wazn. Donc maintenant il dit c'est quoi la preuve de la balance tirée du livre et de quelle façon cette pesée aura lieu. Donc vous savez qu'al-mizan, la balance, c'est parmi les choses auxquelles on croit obligatoirement parmi ce qui se déroulera après la mort. Cette balance qui, elle, pèse les actes des serviteurs et également les serviteurs eux-mêmes, comme les hadiths vont le prouver. Non. فقال قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Dans le sens où il dit. Et nous allons poser justement les balances de l'équité le jour de la résurrection. Et nul ne sera lésé, même s'il s'agirait d'un poids de grain de moutarde. C'est-à-dire, le moindre mal ou moindre bien que tu auras fait, il sera pesé. Et notre compte est suffisant. C'est-à-dire, Allah Azawajal, son compte est amplement suffisant pour connaître le jugement. Surat al-Anbiya, verset 47. وَقَالَ تَعَالَى وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Il a dit, le poids ce jour-là sera le poids de vérité. Donc celui dont les balances seront légères, plutôt seront lourdes, afouen, ce sont ceux-là qui ont réussi. Et de quoi seront lourdes? De bonnes actions. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَكَ الَّذِينَ خَسِلُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمْ خَالِدُونَ. Quant à ceux dont les balances seront légères, alors ceux-là seront les perdants et qui seront éternellement au feu. Et là, il s'agit des koufars. Car les koufars, en réalité, n'auront aucune bonne action à leur actif. Car les bonnes actions que font les koufars, elles sont rétribuées en ce bas monde par du risque. Sans royaume l'arqiyama, elles ne seront que de la poussière. Quoi qu'ils aient fait, en aumône, en aide, même en acte d'héroïsme, comme ils l'appellent, tout ce pour quoi ils auront milité et autres, cela, ils n'en tirent profit qu'en ce bas monde. Et au Al-Qiyama, ça ne vaudra rien. Pourquoi? Car cela n'aura pas été fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand même cela aurait été fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, cela n'aura pas été conforme à la sunna. Et quand même cela aurait été fait pour Allah sincèrement, en conformité avec la sunna, ils ne sont pas musulmans, donc ce n'est pas accepté auprès d'Allah. Donc leurs balances, elles n'auront aucun poids. وقال قال تعالى في الكافرين فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Dans le sens où elle a dit, en parlant des koufars justement, ils n'auront aucun poids, ne leur accorderont aucun poids le jour de la résurrection. Surat al-Kahf, la caverne, verset 105. Et cette balance, elle a deux plateaux. Elle a deux plateaux également. Ce ne sont pas des choses qui sont abstraites, ce sont des choses concrètes. Cette balance, elle a deux plateaux. On y pèse le serviteur, également les actes du serviteur. Et quand on dit acte, ça rentre dedans. Acte du cœur, les paroles, les actes des membres. Tout ce qui constitue la foi. وقال في السؤال الثاني وعشرين بعد المئة ما دليل ذلك وصفاته من السنة. Donc maintenant c'est quoi, c'est l'épreuve de cette balance dans la sunna. قال فيه أحاديث كثيرة منها حديث البطاقة التي فيها شهادتان وأنها ترجح بسبعين سجيلة من السيئات كل سجين منها مادة البصر. Donc il y a plein de hadiths qui en parlent et parmi eux le fameux hadith de la carte qui contient justement les deux shahada, le tawhid qui prouve que le tawhid l'emporte sur tout. Le jour où cet homme viendra avec des registres à perte de vue contenant ses mauvaises actions. Et lorsqu'il sera jugé, on lui dira وَإِنَّ لَكَ الْيَوْمْ حَسَنَا لَدَيْنَا فَلَا تُظْلَمْ. Tu as auprès de nous aujourd'hui une bonne action et tu ne seras pas lésé. Et le serviteur a dit, mais وَمَا هِيَا. Il dit, quelle est cette bonne action? Et de là, on sortira une carte sur laquelle sera inscrit لَا إِلَهَا إِلَى اللَّهِ وَمُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ. Il a dit, mais que vaut cette carte par rapport à toutes ces actions mauvaises que j'ai faites? Et je registre tous les registres de ces actions mauvaises seront sur une balance, sur un plateau. Et l'habitacle sur un autre plateau, la carte sur un autre plateau. Et tu verras que la carte de Tawhid fera voler en l'air le plateau en contrepoids contenant les mauvaises actions. Et de là, il sera pardonné à cet homme pour le Tawhid qu'il avait. Ce qui prouve que c'est la chose la plus importante, c'est le Tawhid. Et un Tawhid, bien sûr, basé sur des actes. Pas un simple Tawhid basé sur le bout de la langue, sans valeur. Donc cet homme, malgré ses grands nombres de péchés, il aura le pardon pour le tawhid qu'il avait. Tayyib. Après, il n'est pas impossible, même il est fort probable, que celui qui a beaucoup de péchés, qu'il soit châtié un temps en enfer, pour qu'il soit expié des péchés qu'il aura commis en cette dunya, comme vous le savez. Donc déjà là, ce hadith prouve qu'il y a une balance avec deux plateaux. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود رضي الله عنه أترجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيدي لهما في الميزان أثقل من أحد. Le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit à propos d'Ibn Mas'ud, un jour alors que les Sahaba étaient ensemble, Ibn Mas'ud a voulu prendre un morceau de araq. C'est l'arbre duquel on prend un siwak. D'accord? Donc il s'est mis à vouloir prendre ce bout de bois. Et de là, le vent est passé et a soulevé son vêtement au point que ses mollets sont apparus. Et ses mollets étaient extrêmement maigres, à tel point que les sahabas en ont rigolé. Pas en se moquant de lui, mais ils en furent surpris. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Êtes-vous surpris de la maigreur de ses mollets ?» Il dit « Je jure par ceux dont mon âme est dans sa main qu'elles seront plus lourdes dans la balance le jour du jugement que Uhud, la balance de Uhud, la montagne de Uhud. » La montagne qui est le Médina, la grande montagne. Ces deux mollets qui étaient très maigres auront plus de poids qu'une montagne entière. Ce qui prouve que, également, le serviteur a un poids par rapport aux actions qu'il aura commises. Donc regardez bien cet homme-là, Ibn Mas'ud, qui était très maigre, et là on parle que de ses mollets, on ne parle pas du reste du corps. D'accord ? Aura un très grand poids. يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يؤتى برجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال فقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Il a dit qu'on apportera يوم القيامة un homme corpulent, un homme avec un grand corps. Il s'agit là d'un kafir. Et pourtant يوم القيامة il dit, auprès d'Allah, il n'aura pas le poids d'une aile d'un moustique. Une aile d'un moustique. En cette dunya, tu vas le voir très corpulent, très musclé, hein, gros balèze, peut-être grande taille. Il impressionne les gens lorsque les gens le regardent. Et Yom Al-Qiyama, il n'aura aucun poids, aucune valeur. Aucune valeur. Et dans le sens où Allah, il a dit, par rapport justement le verset qu'on a lu tout à l'heure, et que nous ne leur accorderons aucun poids le jour de la résurrection. Donc aujourd'hui, les choses, bien qu'il n'est pas interdit de faire du sport, d'accord, d'entretenir la forme, ce qu'il faut entretenir en premier lieu, c'est la foi par les actes. C'est ça qui sera pesé Yom Al-Qiyama. Un matou, aujourd'hui, tu peux être mashallah athlétique, cela n'aura aucun poids Yom Al-Qiyama. Cela ne t'apportera rien Yom Al-Qiyama, sauf si cette forme athlétique aura été mise au service de la religion. Et tu l'auras, t'auras aidé à faire des adorations. Là, oui. Sans quoi, le reste, c'est juste des choses permises dans cette dunya, d'accord, qui n'apportent rien et des fois peuvent mettre amener à faire perdre ton temps ou à te retrouver dans des mauvais endroits avec de mauvaises personnes. Faut faire attention dans le sport. Le sport, c'est une chose qui est permise, parfois qui peut être recommandée, mais dans des conditions halal. Dans des conditions halal, vestimentaires, environnement et gestuel, tout ce qui en est. Taïeb, dans le halal. Et selon des règles conformes à celles de la religion. Non. Donc là, on a fini les questions que j'avais oublié de lire hier, concernant la balance. Et n'oubliez pas ce fameux hadith de Abu Huraira, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kalimatan, khafifatan, filmizan, khafifatan al-lisan, khafifatan filmizan, zakilatan filmizan, habibatan ar-Rahman, subhanaka wa bihamdi, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Deux paroles qui sont légères sur la langue, mais qui sont très lourdes sur la balance. Regardez bien, que même les paroles seront pesées. Et qui sont très aimés auprès de Rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Dire cela sera, cela est très lourd sur la balance. Quand cela est prononcé avec quiétude et avec savoir, bien sûr, c'est pas juste la langue elle bouge. Quand même, ce n'est pas un simple mouvement de la langue et un simple son qui sort de la bouche. C'est ce qui en découle derrière également comme compréhension et comme acte. Le fait d'unifier Allah Azawajal, ou plutôt de le purifier, de tout défaut, exemple, cela revient au tawhid, et fil asma wa sifat, ça veut dire de croire en Allah Azawajal de façon concrète, telle qu'il s'est décrit dans son livre, et à travers la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on l'avait dit précédemment, ça, il n'y a que les gens de la sunna qui ont cela. Les autres, les gens de l'égarement, ils n'ont pas cela. Cette croyance complète et, on va dire, parfaite en conformité au texte, tu ne la trouveras que chez les salafis, chez les gens de la sunna, et pas ailleurs. Taïb. Donc là, nous allons essayer à partir de la question 129. Tout le reste là que j'ai sauté, on l'a lu hier. Hein. D'accord, je vous le rappelle, on l'a lu hier. Donc là, on va prendre la suite maintenant. Fissouel at-Tasir wal-Ishrin ba'd al-Mi'a. 129e question. Ma dalil al-iman bil janna wan nar. Donc maintenant, c'est quoi la preuve qu'il faille croire en le paradis et en le feu, qui sont les deux destinations finales pour les serviteurs, soit le Jannah, soit le feu. Pas de troisième, pas de quatrième, c'est soit celle-ci, soit celle-là. قال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Dans le sens où Allah dit, et craignez le feu, dont le combustible seront des gens et les pierres, et qui a été préparé pour les mécréants. Et fait la bonne annonce à ceux qui ont cru et ont vrai de bonnes œuvres, qu'ils auront des paradis sous lesquels coulent des ruisseaux. Surat al-Baqarah, surat la vache, verset 24 à 25. Donc ce verset en lui-même, il est clair. Au fils sahih, min du'an nabi sallallahu alayhi wa sallam fi salat al-layl, wa lakal hamd anta al-haq, wa aduk al-haq, ولقاءك الحق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. Dans un dua que le Nabi صلى الله عليه وسلم faisait dans la salade de nuit, il disait que la louange te revient, tu es la vérité et ta promesse est vérité et ta rencontre est vérité et que ta parole est vérité et que le Jannah, paradis, est vérité, et que le feu est vérité, que les prophètes sont vérité, et que Mohammed est vérité, et que l'heure est vérité. Donc ce hadith prouve bien que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a affirmé de l'existence de ce paradis et de ce feu. Et à la base, les gens, ils y croient, c'est dans les gènes des gens, mais ensuite, leur nature saine a été détériorée, a été corrompue par la suite. À la base, les gens du livre, ils croient au paradis et à l'enfer. Dans leur livre, c'est encore inscrit. Cependant, ils sont mis à philosopher et interpréter le paradis comme étant la vie sur terre pour celui qui aura une bonne vie, et l'enfer, c'est la vie sur terre, celui qui a une mauvaise vie, et tout un tas de blabla qui sert à rien du tout. D'accord? Tout ça sert à rien du tout. Le paradis, c'est ce que Allah Azawajal a préparé pour les croyants pieux après la mort, où se trouvent tous les délices qui nous sont inimaginables. Et le feu de l'enfer, d'accord? C'est le feu que Allah Azawajal a préparé pour châtier les mécréants, éternellement où se trouvent les plus grands des sévices et le plus grand des châtiments. Et il y a également le feu de l'enfer qui était préparé pour les désobéissants parmi les croyants qui passeront un temps pour finalement aller au Jannah. Bismillah ta'ala. وقوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. النبي صلى الله عليه وسلم الذي celui qui atteste de la إله إلا الله seul sans associé et que Mohammed est son serviteur et messager et que Isa et le serviteur d'Allah et son messager, donc cela amène à démentir qu'il soit son fils, ou qu'il soit le troisième des trois, ou qu'il soit je ne sais quoi, d'accord ? Qu'il est son serviteur messager, et sa parole insufflée à Maryam, et un souffle de lui, d'Allah Azawajal. Et que le paradis est vérité, et que le feu est vérité, Allah le fera rentrer au paradis, quoi qu'il ait commis comme acte, c'est-à-dire comme acte qui ne sont pas les choses qui annulent l'islam, bien sûr. Ça veut dire que là, ça revient au tawhid une fois de plus, avec la croyance authentique que Allah pardonnera à son détenteur et qui aura également fait des actes des membres. Dans un autre hadith, il dit, dans une autre version de ce hadith, « Min abwab al-jannah athamaniya ayyahasha » qui le fera rentrer au paradis. Parmi les 8 portes du paradis, il choisira celle qu'il voudra. Qu'il y a plusieurs portes au paradis. 8. Voyez, et celui qui aura cette croyance-là, qui aura bien agi, entrera par celle qui voudra. Yaqulu fil su'al 30 ba'd al 100, 130e question. Ma ma'na al iman bil jannah wan nar. Donc que signifie cette croyance en le paradis et le feu? Ma'nahu at-tasdiq al jazim bi wujudihima wa annahuma makhluqatan al-an wa annahuma baqiyatan bi ibqa'i Allah lahumā. Que signifie justement cette foi en le paradis et l'enfer? C'est de croire profondément et catégoriquement en leur présence et que les deux sont créés actuellement là. Le Jannah et le paradis sont présents et qu'ils demeureront par la volonté d'Allah Azzawajal et que jamais ils ne disparaîtront. Le Jannah ne disparaîtra jamais et le feu de l'enfer également ne disparaîtra jamais. Et n'y rentrera que les gens qui méritent d'y rentrer par rapport aux mécréants et aux gens désobéissants. Et le paradis, les gens y rentreront avec la rahma d'Allah Azzawajal. Car en réalité, on ne mérite pas ce paradis. Le paradis en lui-même, on ne le mérite pas. Mais c'est Allah Azzawajal qui nous l'accorde par sa grâce. Pour ceux qui auront agi conformément à sa volonté législative, puis Hadith Dunya, et seront morts dessus. Yaqul, fi su'al al-wahid wa thalathin ba'd al-mi'ah, 131e question, ma dalil ala wujudihima al-an. Donc maintenant, c'est quoi les preuves que les deux sont présents maintenant, actuellement là? Que le feu existe déjà, et que le paradis existe déjà. قال أخبرنا الله عز وجل أنهما معدتان فقال في الجنة عدت الكافرين أو للمتقين وقال في النار عدت الكافرين que Allah dans le Coran l'a déjà affirmé lui-même en parlant justement du Jannah. Il a dit dans le sens un paradis qui était préparé pour les pieux, surat Al-Imran verset 133, et pour le feu il a dit qui était préparé dans le sens pour les mécréants dans le verset 131 de la même sourate. وَأَخْبَرَنَا أَنَّهُ تَعَالَى أَسْكَنَ آدَمَ وَزَوْجَهُ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَكْلِهِمَا مِنَ الشَّجَرَةِ وَأَخْبَرَنَا تَعَالَى بِأَنَّ الْكُفَّارَ يُعْرَضُونَ لَلنَّارِ عُدُوًّا وَعَشِيًّا. Que Allah nous a informé que Adam et sa femme Hawa habitaient où avant qu'ils ne soient sortis de ce lieu pour avoir désobéi en mangeant de l'arbre? Ils étaient au Jannah. Après il y a une divergence. Il y a des ulama qui disent que ce Jannah ce n'est pas le Jannah éternel qui attend les croyants, mais c'était un jardin dans les cieux, un autre. Taïeb. Et d'autres, la plupart voient que c'est le Jannah qui attend les croyants. Donc de là, c'est selon cet avis-là que le Jannah existe déjà. Il existait avant même que nous soyons nous présents actuellement. Taïeb. Également que les kuffars seront exposés au feu dans leur tombe. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها وأكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. Il a dit النبي صلى الله عليه وسلم que j'ai vu le Jannah et que j'ai vu que la plupart de ces gens étaient les pauvres. Et également j'ai vu le feu et j'ai vu que la plupart des habitants étaient les femmes. Voilà Musta'an. طيب ثم قال وتقدم في الفتنة وعذاب القبر إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده من الجنة ومن النار. Et on avait pris dans des douloureux précédents, lorsqu'on parlait du châtiment de la tombe et de celui et des délices de la tombe, que l'un d'entre vous verra son siège qui l'attend soit au paradis, soit en enfer. Ce qui prouve que les deux sont déjà créés. وقال الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. Il a dit par rapport à cela du Zohr d'attendre que le temps se refroidisse un peu quand il fait trop chaud au Zohr, car il a dit que l'intensité de la chaleur vient justement de l'enfer. Ce qu'on retrouve comme chaleur forte en été, ça vient de l'enfer. Et également, la froideur que l'on trouve qui est très intense en hiver, elle vient également de l'enfer. Comme cela va venir, biznillah. Al-An. وقال صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون في الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. Il a dit que le feu s'est plaint auprès de son Seigneur en disant qu'une partie d'elle en mange une autre, c'est-à-dire c'est attendez je reviens. Qu'elle est tellement condensée que ses flammes et que ses parties se consument les unes les autres. Donc Allah Azzawajal lui a accordé justement deux souffles. Deux souffles. C'est-à-dire afin de pouvoir apaiser cela. Un en hiver et un en été. Donc il a dit ce qu'on trouve de plus ardent comme chaleur en été, ça vient justement du feu de l'enfer. Et ce qu'on trouve de plus glacial en hiver, cela vient du feu de l'enfer. Donc regardez bien encore une fois de plus que cela revient à la fois en invisible. Les gens aujourd'hui, les scientifiques, les météorologues ou je ne sais quoi, veulent vous trouver un tas de causes rationnelles. Que c'est lié au soleil, que c'est lié à je ne sais quoi, ou ils appellent ça quoi encore leur histoire là, le réchauffement climatique et autres. On dit tout cela, nous on sait d'où ça vient. Ça vient de l'enfer. Et ça rappelle pour nous. Quand on a chaud en été, on doit se rappeler que c'est le feu de l'enfer. Donc on se dit, là on se plaint. Et que c'est qu'une chaleur d'un climat externe dans lequel on peut vivre. Donc qu'en est-il de la chaleur de l'enfer, l'enfer lui-même? Et également, ce qu'on se plaint du froid en hiver, ça doit nous rappeler justement ce qui peut attendre les gens comme châtiment dur après la mort, en enfer. Tout cela sont des signes pour nous. Même les climats, les saisons, lorsque Allah Azzawajal nous montre comment il redonne la vie par rapport à la végétation, par exemple, en hiver, quand toutes les feuilles sont tombées, comment ça revient à la vie, par exemple au printemps, après en été, pour dire que nous, on va mourir, on va être également ressuscité. Tout ce qui est dans la création devant nous sont des signes. Mais on est tellement insouciant et inattentif qu'on ne fait pas attention. Et à force de vivre nous des coups forts, on se met à penser comme eux, à trouver des raisons scientifiques et rationnelles, alors qu'à la base, c'est des choses qui sont liées à l'invisible et liées à la révélation. On ne faut pas se faire avoir. Il ne faut jamais oublier cela. Ce sont des signes pour nous, des rappels constants. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. Que la fièvre également, la fièvre c'est une chose qui vient partiellement de l'enfer, donc il faut la refroidir avec de l'eau. Mais là on ne parle pas de n'importe quelle fièvre, ce n'est pas toute fièvre qui vient de l'enfer, d'accord, c'est une fièvre particulière. Et même regardez, quand on est malade, c'est pour se rappeler cette fièvre que tu as, regarde d'où elle vient. Ton corps se réchauffe. À la base, le corps de l'homme, ils disent qu'il va être 37,2. À peine on monte d'un degré, qu'on en tombe malade. Tellement on est faible. Et ce petit degré qu'on peut avoir et qui nous affaiblit et qui nous fait souffrir, c'est je ne sais combien de minime de partie de l'enfer. C'est encore un rappel pour nous. Ya subhanallah. Mais est-ce qu'on y pense? On n'y pense pas. On veut juste être guéri pour pouvoir retrouver notre vie et faire nos activités comme on faisait auparavant. En oubliant que cette fièvre qui nous atteint, taïeb, c'est, elle est là pour également pour nous rappeler le feu de l'enfer. Wallahi. وقال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها. Lorsque Allah عز وجل a créé le paradis ainsi que l'enfer, il a envoyé Jibril pour dire au paradis pour dire va voir ce que j'ai créé au paradis et pour ces gens. Il va voir en enfer ce que j'ai créé pour ces gens. Le hadith il est un peu long, mais le shahid c'est que Allah عز وجل a déjà créé le feu et le Jannah et que Jibril les a déjà vus, il est déjà rentré dedans pour les voir. نعم. طيب ما سايتي لو aujourd'hui. La coupure après un peu de temps, il y avait encore une question qui était relative à au paradis et à l'enfer, mais inchallah on apprendra au prochain ders. Qui sera samedi Biznillah Ta'ala. Et comme je l'ai expliqué, dimanche prochain, normalement, il y aura une conférence. Biznillah Ta'ala, dimanche prochain, il y aura une conférence. Non. Enfin, naktafi bihada, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.